En partenariat avec le CFMI de Tours, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo présente les séquenzistes. La question est pourquoi ? Lettre, hors note lettre. Lettre à jeter ou note à bénir. Idée ? Fausse alerte. Vire, vire, vire, vire. Volte, vire, volte, vie, révolte, vie, récolte, voltage électrique, électriste, voltage, volage, vol d'âge, vol de vie, vol de mort, vol de nuit, vol au-dessus d'un nid de toutou, allégorie de la grotte de chien, noir de caverne ou songe de taverne. Mais songe, mensonge, songe d'une nuit où tes têtes et l'électre hors note. Novotel in love, Tokyo Hotel, Califor, Boyo, aboie dans la caverne, à boire dans la taverne. Tavernier, serre cervoise pour dévisser mes songes, pour songer mes vices et versa. Verse la cervoise, son voisé, sans biaiser la bière à l'édifice, les deux faces, face ou pile, pilou, pilou, pilou, pilou, pilou, pilou, volte, vol, filou, au-dessus de la ville, sous les voiles. Voile les sous, ville la deux dessus haut, filou, vol, volte, pilou, pilou, pile, ou face, face de lait, l'édifice à bière là, biaisé, sang, boisé son, cervoise la verse, versailles, vice mes songes pour. Songe mes dévissés pour, cervoise sans, tavernier, taverne la dent boira, caverne la dent à bois, Boyo, Californie. Tel Tokyo. Love in Novotel. Notor, Electrotel. T'étais où? Nuit d'une songe. Mensonge, songe, mais. Taverne de songe. Ou caverne de noir. Chien de grotte. La de allégorie. Toutou de nid d'un au-dessus vol. Nuit de vol, mort de vol, vie de vol, d'âge vol. Volage, voltage électriste, électrique voltage. Récolte vie, révolte vie, vie revolte, vol. Vire, vire, vire, vire, vire, vire, vire, vire, vire, vire, vire, vire, vire, vire, vire, vire, vire.